cherche les accords et... Là j'en ai qu'un. Les accords minéraux, les accords des viandes. Un peu loin là. Dans là, je dansais de ma nigelle, et moi pendant ce temps-là, je tournais comme un couillon. Il joue bien là, hein, juste encore une fois. Sur mon synthé que ça, je dois en avoir. Pardon, spese de one bed. Il y a une version plus moderne. Changer de mélodie. J'ai trouvé l'accordéon qui va avec. J'attends toujours mon collègue, mais il joue pas. de la batterie. Plus bassiste. Et là, on la prend un. Tout seul à basse. J'ai pas d'accordéon avec une basse à côté. Il fait quoi le bassiste? Bon ben, vous aimez pas l'accordéon. qu'elle est moche. C'est un Arnie Moka, là. Thank you.